Le Lys dans la vallée, chapitre 22. J'aperçus alors Henriette en robe blanche, assise sur son petit canapé, placée devant la cheminée ornée de nos deux vases pleins de fleurs, puis des fleurs encore sur le guéridon placé devant la croisée. Le visage de l'abbé Birotteau, stupéfait à l'aspect de cette fête improvisée et du changement de cette chambre, subitement rétabli en son ancien état, me fit deviner que la mourante avait banni le repoussant appareil qui environne le lit des malades. Elle avait dépensé les dernières forces d'une fièvre expirante à parer sa chambre en désordre pour y recevoir dignement celui qu'elle aimait en ce moment plus que toute chose. Sous les flots de dentelle, sa figure amaigrie, qui avait la pâleur verdâtre des fleurs du magnolia, quand elle s'en trouve, apparaissait comme sur la toile jaune d'un portrait les premiers contours d'une tête chérie dessinée à la craie. Mais pour sentir combien la griffe du vautour s'enfonça profondément dans mon cœur, supposer achevés et pleins de vie les yeux de cette esquisse, des yeux caves qui brillaient d'un éclat inusité dans une figure éteinte. Elle n'avait plus la majesté calme que lui communiquait la constante victoire remportée sur ses douleurs. Son front, seule partie du visage qui eût gardé ses belles proportions, exprimait l'audace agressive du désir et des menaces réprimées. Malgré les tons de cire de sa face allongée, des feux intérieurs s'en échappaient par un rayonnement semblable au fluide qui flambe au-dessus des champs par une chaude journée. Ses tempes creusées, ses joues rentrées montraient les formes intérieures du visage et le sourire que formaient ses lèvres blanches ressemblait vaguement au ricanement de la mort. Sa robe croisée sur son sein attestait la maigreur de son bon corsage. L'expression de sa tête disait assez qu'elle se savait changée et qu'elle en était au désespoir. Ce n'était plus ma délicieuse Henriette, ni la sublime et sainte Madame de Mortsouf, mais le quelque chose sans nom de Bossuet qui se débattait contre le néant et que la faim, les désirs trompés, poussaient au combat égoïste de la vie contre la mort. Je vins m'asseoir près d'elle en lui prenant pour la baiser sa main que je sentis brûlante et desséchée. Elle devina ma douloureuse surprise dans l'effort même que je fis pour la déguiser. Ses lèvres décolorées se tendirent alors sur ses dents affamées pour essayer un de ces sourires forcés sous lesquels nous cachons également l'ironie de la vengeance, l'attente du plaisir, l'ivresse de l'âme et la rage d'une déception. « Ah, c'est la mort, mon pauvre Félix, » me dit-elle. « Et vous n'aimez pas la mort ? La mort, odieuse, la mort de laquelle toute créature... Même l'amant le plus intrépide a horreur. Ici finit l'amour. Je le savais bien, Lady Dudley ne vous verra jamais étonnée de son changement. Ah, oh, pourquoi vous ai-je tant souhaité, Félix? Vous êtes enfin venu. Je vous récompense de ce dévouement par l'horrible spectacle qui fit jadis du comte de Rancé un trappiste. Moi qui désirais demeurer belle et grande dans votre souvenir, et vivre comme un lys éternel, je vous enlève vos illusions. Le véritable amour ne calcule rien, mais ne vous enfuyez pas. Restez. Monsieur Origet m'a trouvé beaucoup mieux ce matin. Je vais revenir à la vie. Je renaîtrai sous vos regards. Puis quand j'aurai recouvré quelques forces, quand je commencerai à pouvoir prendre quelque nourriture, je redeviendrai belle. À peine ai-je 35 ans. Je puis encore avoir de belles années. Le bonheur rajeunit et je veux connaître le bonheur. J'ai fait des projets délicieux. Nous les laisserons à Clochegourde et nous irons ensemble en Italie. Des pleurs humectèrent mes yeux. Je me tournai vers la fenêtre comme pour regarder les fleurs. L'abbé Birotteau vint à moi précipitamment et se pencha vers le bouquet. « Pas de larmes, » me dit-il à l'oreille. « Henriette, vous n'aimez donc plus notre chère vallée ?» lui répondis-je afin de justifier mon brusque mouvement. « Si, dit-elle en apportant son front sous mes lèvres par un mouvement de câlinerie. « Mais sans vous, elle m'est funeste. Sans toi, » reprit-elle en effleurant mon oreille de ses lèvres chaudes pour y jeter ses deux syllabes comme deux soupirs. Je fus épouvantée par cette folle caresse qui agrandissait encore les terribles discours des deux abbés. En ce moment, ma première surprise se dissipa. Mais si je pus faire usage de ma raison, ma volonté ne fut pas assez forte pour réprimer le mouvement nerveux qui m'agita pendant cette scène. J'écoutais sans répondre, ou plutôt je répondais par un sourire fixe et par des signes de consentement pour ne pas la contrarier, agissant comme une mère avec son enfant. Après avoir été frappée de la métamorphose de la personne, je m'aperçus que la femme, autrefois si imposante par ses sublimités, avait dans l'attitude, dans la voix, dans les manières, dans les regards et les idées, la naïve ignorance d'un enfant, les grâces ingénues, l'avidité de mouvement, l'insouciance profonde de ce qui n'est pas son désir ou lui, enfin, toutes les faiblesses que recommande l'enfant à la protection. En est-il ainsi de tous les mourants ? Dépouille-t-il tous les déguisements sociaux, de même que l'enfant ne les a pas encore revêtus ? Ou se trouvant au bord de l'éternité, la comtesse, en acceptant plus de tous les sentiments humains que l'amour, en exprimait-elle la suave innocence à la manière de Chloé ? Comme autrefois, vous allez me rendre à la santé, Félix, dit-elle, et ma vallée me sera bienfaisante. Comment ne mangerai-je pas ce que vous me présenterez ? Vous êtes un si bon garde-malade, puis vous êtes si riche de force et de santé qu'auprès de vous la vie est contagieuse. Mon ami, prouvez-moi donc que je ne puis mourir, mourir trompée. Il croit que ma plus vive douleur est la soif. Oh oui, j'ai bien soif, mon ami. L'eau de l'Indre me fait bien mal à voir, mais mon cœur éprouve une plus ardente soif. J'avais soif de toi, me dit-elle d'une voix plus étouffée, en me prenant les mains dans ses mains brûlantes et m'attirant à elle pour me jeter ses paroles à l'oreille. « Mon agonie, arrêtez de ne pas te voir. Ne m'as-tu pas dit de vivre ? Je veux vivre. Je veux monter à cheval aussi, moi. Je veux tout connaître, Paris, les fêtes, les plaisirs. » Oh, Nathalie, cette clameur horrible que le matérialisme des sens trompés rend froide à distance nous faisait tinter les oreilles au vieux prêtre et à moi. Les accents de cette voix magnifique peignaient les combats de toute une vie, les angoisses d'un véritable amour déçu. La comtesse se leva par un mouvement d'impatience comme un enfant qui veut un jouet. Quand le confesseur vit sa pénitente ainsi, le pauvre homme tomba soudain à genoux, joignit les mains et récita des prières. « Oui, vivre !» dit-elle, en me faisant lever et s'appuyant sur moi. « Vivre des réalités et non de mensonges. Tout a été mensonge dans ma vie. Je les ai comptés depuis quelques jours, ces impostures. Est-il possible que je meure, moi qui n'ai pas vécu ? Moi qui ne suis jamais allée chercher quelqu'un dans une lande. » Elle s'arrêta, parut écouter, et sentit à travers les murs je ne sais quelle odeur. « Félix, les vendangeuses vont dîner. Et moi, moi, dit-elle d'une voix d'enfant, qui suis la maîtresse, j'ai faim. Il en est ainsi de l'amour. Elles sont heureuses, elles. » « Kyrie eleison, disait le pauvre abbé, qui les mains jointes, l'œil au ciel, récitait les litanies. Elle jeta ses bras autour de mon cou, m'embrassa violemment et me serra en disant « Vous ne m'échapperez plus. Je veux être aimée. Je ferai des folies comme Lady Dudley. J'apprendrai l'anglais pour bien dire « Maïdi ». Elle me fit un signe de tête comme elle en faisait autrefois en me quittant pour me dire qu'elle allait revenir à l'instant. « Nous dînons ensemble, » me dit-elle. « Je vais prévenir Manette. » Elle fut arrêtée par une faiblesse qui survint et je la couchai toute habillée sur son lit. « Une fois déjà, vous m'aviez portée ainsi, » me dit-elle en ouvrant les yeux. Elle était bien légère, mais surtout bien ardente. En la prenant, je sentis son corps entièrement brûlant. Monsieur Deslandes entra, fut étonné de trouver la chambre ainsi parée, mais en me voyant, tout lui parut expliqué. « On souffre bien pour mourir, monsieur, » dit-elle d'une voix altérée. Il s'assit, tâta le pouls de sa malade, se leva brusquement, vint parler à voix basse au prêtre et sortit. Je le suivis. « Qu'allez-vous faire ? » lui demandai-je. « Lui éviter une épouvantable agonie, » me dit-il. « Qui pourrait croire à tant de vigueur ? Nous ne comprenons comment elle vit encore qu'en pensant à la manière dont elle a vécu. Voici le 42e jour que Madame la Comtesse n'a bu, ni mangé, ni dormi. » Monsieur Deslandes demanda Manette. L'abbé Birotteau m'emmena dans les jardins. « Laissons faire le docteur, » me dit-il. Aidé par Manette, il va l'envelopper d'opium. « Eh bien, vous l'avez entendu, » me dit-il, « si toutefois elle est complice de ces mouvements de folie. » « Non, » dis-je, « ce n'est plus elle. » J'étais hébété de douleur. Plus j'allais, plus chaque détail de cette scène prenait des tendues. Je sortis brusquement par la petite porte, au bas de la terrasse, et vins m'asseoir dans la toue, où je me cachais pour demeurer seule à dévorer mes pensées. Je tâchais de me détacher moi-même de cette force par laquelle je vivais. Supplice comparable à celui par lequel les Tartares punissaient l'adultère en prenant un membre du coupable dans une pièce de bois et lui laissant un couteau pour se le couper s'il ne voulait pas mourir de faim. Leçon terrible que subissait mon âme, de laquelle il fallait me retrancher la plus belle moitié. Ma vie était manquée aussi. Le désespoir me suggérait les plus étranges idées. Tantôt je voulais mourir avec elle, tantôt aller m'enfermer à Meilleray, où venaient de s'établir les trappistes. Mes yeux ternis ne voyaient plus les objets extérieurs. Je contemplais les fenêtres de la chambre où souffrait Henriette, croyant y apercevoir la lumière qui l'éclairait pendant la nuit où je m'étais fiancée à elle. N'aurais-je pas dû obéir à la vie simple qu'elle m'avait créée, en me conservant à elle dans le travail des affaires ? Ne m'avait-elle pas ordonné d'être un grand homme afin de me préserver des passions basses et honteuses que j'avais subies comme tous les hommes ? La chasteté n'était-elle pas une sublime distinction que je n'avais pas su garder ? L'amour, comme le concevait Arabelle, me dégoûta soudain. Au moment où je relevais ma tête abattue, en me demandant d'où me viendraient désormais la lumière et l'espérance, quel intérêt j'aurais à vivre, l'air fut agité d'un léger bruit. Je me retournai vers la terrasse, j'y aperçus Madeleine se promenant seule à pas lents. Pendant que je remontais vers la terrasse pour demander compte à cette chère enfant du froid regard qu'elle m'avait jeté au pied de la croix, elle s'était assise sur le banc. Quand elle m'aperçut à moitié chemin, elle se leva et feignit de ne pas m'avoir vue pour ne pas se trouver seule avec moi. Sa démarche était hâtée, significative. Elle me haïssait, elle fuyait l'assassin de sa mère. En revenant par les perrons à Clochegourde, je vis Madeleine comme une statue, immobile et debout, écoutant le bruit de mes pas. Jacques était assis sur une marche, et son attitude exprimait la même insensibilité qui m'avait frappée quand nous nous étions promenés tous ensemble et m'avait inspirée de ces idées que nous laissons dans un coin de notre âme pour les reprendre et les creuser plus tard, à loisir. J'ai remarqué que les jeunes gens qui portent en eux la mort sont tous insensibles aux funérailles. Je voulus interroger cette âme sombre. Madeleine avait-elle gardé ses pensées pour elle seule ? Avait-elle inspiré sa haine à Jacques ? « Tu sais, lui dis-je, pour entamer la conversation, que tu as en moi le plus dévoué des frères. Votre amitié m'est inutile. Je suivrai ma mère, répondit-il en me jetant un regard farouche de douleur. Jacques, m'écriai-je, toi aussi ? Il toussa, s'écarta loin de moi. Puis quand il revint, il me montra rapidement son mouchoir ensanglanté. « Comprenez-vous ? » dit-il. Ainsi, chacun d'eux avait un fatal secret. Comme je le vis depuis, la sœur et le frère se fuyaient. Henriette tombée, tout était en ruine à Clochegourde. Madame dort, vint nous dire Manette, heureuse de savoir la comtesse sans souffrance. Dans ces affreux moments, quoique chacun en sache l'inévitable fin, les affections vraies deviennent folles et s'attachent à de petits bonheurs. Les minutes sont des siècles que l'on voudrait rendre bienfaisants. On voudrait que les malades reposassent sur des roses, on voudrait prendre leurs souffrances, on voudrait que le dernier soupir fût pour eux inattendu. Monsieur Deslandes a fait enlever les fleurs qui agissaient trop fortement sur les nerfs de madame, me dit Manette. Ainsi donc, les fleurs avaient causé son délire, elle n'en était pas complice. Les amours de la terre, les fêtes de la fécondation, les caresses des plantes l'avaient enivrée de leur parfum et sans doute avaient réveillé les pensées d'amour heureux qui sommeillaient en elle depuis sa jeunesse. « Venez donc, monsieur Félix, me dit-elle, venez voir madame, elle est belle comme un ange. » Je revins chez la mourante au moment où le soleil se couchait et dorait la dentelle des toits du château d'Azay. Tout était calme et pur. Une douce lumière éclairait le lit où reposait Henriette, baignée d'opium. En ce moment, le corps était pour ainsi dire annulé. L'âme seule régnait sur ce visage, serein comme un beau ciel après la tempête. Blanche et Henriette, ces deux sublimes faces de la même femme, reparaissaient d'autant plus belles que mon souvenir, ma pensée, mon imagination et dans la nature, réparait les altérations de chaque trait où l'âme triomphante envoyait ses lueurs par des vagues confondues avec celles de la respiration. Les deux abbés étaient assis près du lit. Le comte resta foudroyé, debout, en reconnaissant les étendards de la mort qui flottaient sur cette créature adorée. Je pris sur le canapé la place qu'elle avait occupée. Puis nous échangeâmes tous quatre des regards où l'admiration de cette beauté céleste se mêlait à des larmes de regret. Les lumières de la pensée annonçaient le retour de Dieu dans un de ses plus beaux tabernacles. L'abbé de Dominis et moi, nous nous parlions par signes en nous communiquant des idées mutuelles. Oui, les anges veillaient Henriette. Oui, leurs glaives brillaient au-dessus de ce noble front où revenaient les augustes expressions de la vertu qui en faisaient jadis comme une âme visible avec laquelle s'entretenaient les esprits de la sphère. Les lignes de son visage se purifiaient, en elle tout s'agrandissait et devenait majestueux sous les invisibles encensoirs des séraphins qui la gardaient. Les teintes vertes de la souffrance corporelle faisaient place au ton entièrement blanc, à la pâleur mate et froide de la mort prochaine. Jacques et Madeleine entrèrent. Madeleine nous fit tous frissonner par le mouvement d'adoration qui la précipita devant le lit, lui joignit les mains et lui inspira cette sublime exclamation. « Enfin, voilà ma mère !» Jacques souriait. Il était sûr de suivre sa mère là où elle allait. « Elle arrive au port, » dit l'abbé Birotteau. L'abbé de Dominis me regarda comme pour me répéter « N'ai-je pas dit que l'étoile se lèverait brillante ?» Madeleine resta les yeux attachés sur sa mère, respirant quand elle respirait, imitant son souffle léger, dernier fil par lequel elle tenait à la vie, et que nous suivions avec terreur, craignant à chaque effort de le voir se rompre. Comme un ange aux portes du sanctuaire, la jeune fille était avide et calme, forte et prosternée. En ce moment, l'Angélus sonna au clocher du bourg. Les flots de l'air adouci jetèrent par ondées les tintements qui nous annonçaient qu'à cette heure, la chrétienté tout entière répétait les paroles dites par l'ange à la femme qui racheta les fautes de son sexe. Ce soir, l'Ave Maria nous parut une salutation du ciel. La prophétie était si claire et l'événement si proche que nous fondîmes en larmes. Les murmures du soir, brise mélodieuse dans les feuillages, derniers gazouillements d'oiseaux, refrains et bourdonnements d'insectes, voix des eaux, cris plaintifs de la rainette, Toute la campagne disait adieu au plus beau lys de la vallée, à sa vie simple et champêtre. Cette poésie religieuse, unie à toutes ces poésies naturelles, exprimait si bien le chant du départ que nos sanglots furent aussitôt répétés. Quoique la porte de la chambre fût ouverte, nous étions si bien plongés dans cette terrible contemplation, comme pour en empreindre à jamais dans notre âme le souvenir, que nous n'avions pas aperçu les gens de la maison, agenouillés en un groupe où se disaient de ferventes prières. Tous ces pauvres gens, habitués à l'espérance, croyaient encore conserver leur maîtresse, et ce présage si clair les accabla. Sur un geste de l'abbé Birotteau, le vieux piqueur sortit pour aller chercher le curé de Saché. Le médecin, debout près du lit, calme comme la science, et qui tenait la main endormie de la malade, avait fait un signe au confesseur pour lui dire que ce sommeil était la dernière heure sans souffrance qui restait à l'ange rappelé. Le moment était venu de lui administrer les derniers sacrements de l'Église. À 9 heures, elle s'éveilla doucement, nous regarda d'un œil surpris mais doux, et nous revîmes tous notre idole dans la beauté de ses beaux jours. « Ma mère, tu es trop belle pour mourir. La vie et la santé te reviennent !» cria Madeleine. « Chère fille, je vivrai, mais en toi, » dit-elle en souriant. Ce fut alors des embrassements déchirants de la mère aux enfants et des enfants à la mère. Monsieur de Mortsauf baisa sa femme pieusement au front. La comtesse rougit en me voyant. « Cher Félix, » dit-elle, « voici, je crois, le seul chagrin que je vous aurais donné, moi. Mais oubliez ce que j'aurais pu vous dire, pauvre insensé que j'étais. » Elle me tendit la main. Je la pris pour la baiser. Elle me dit alors avec son gracieux sourire de vertu, « Comme autrefois, Félix. » Nous sortîmes tous et nous allâmes dans le salon pendant tout le temps que devait durer la dernière confession de la malade. Je me plaçai près de Madeleine. En présence de tous, elle ne pouvait me fuir sans impolitesse. Mais à l'imitation de sa mère, elle ne regardait personne, garda le silence sans jeter une seule fois les yeux sur moi. « Chère Madeleine, lui dis-je à voix basse, qu'avez-vous contre moi ? Pourquoi des sentiments froids quand en présence de la mort chacun doit se réconcilier ? Je crois entendre ce que dit en ce moment ma mère, me répondit-elle en prenant l'air de tête qu'Indre a trouvé pour sa mère de Dieu, cette vierge déjà douloureuse et qui s'apprête à protéger le monde où son fils va périr. Et vous me condamnez au moment où votre mère m'absout, si toutefois je suis coupable. Vous, et toujours vous. » Son accent trahissait une haine réfléchie, comme celle d'un Corse, implacable, comme sont les jugements de ceux qui, n'ayant pas étudié la vie, n'admettent aucune atténuation aux fautes commises contre les lois du cœur. Une heure s'écoula dans un silence profond. L'abbé Birotteau revint après avoir reçu la confession générale de la comtesse de Mortsauf, et nous rentrâmes tous au moment où, suivant une de ces idées qui saisissent ces nobles âmes, toutes sœurs d'intention, Henriette s'était fait revêtir d'un long vêtement qui devait lui servir de linceul. Nous la trouvâmes sur son séant, belle de ses expiations et belle de ses espérances. Je vis dans la cheminée les cendres noires de mes lettres qui venaient d'être brûlées, sacrifice qu'elle n'avait voulu faire, me dit ce confesseur, qu'au moment de la mort. Elle nous sourit à tous de son sourire d'autrefois. Ses yeux humides de larmes annonçaient un dessinement suprême. Elle apercevait déjà les joies célestes de la terre promise. « Cher Félix, me dit-elle en me tendant la main et en serrant la mienne, restez, vous devez assister à l'une des dernières scènes de ma vie et qui ne sera pas la moins pénible de toutes, mais où vous êtes pour beaucoup. » Elle fit un geste. La porte se ferma. Sur son invitation, le comte s'assit. L'abbé Birotteau et moi nous restâmes debout. Aidée de Manette, la comtesse se leva, se mit à genoux devant le comte, surpris, et voulut rester ainsi. Puis quand Manette se fut retirée, elle releva sa tête qu'elle avait appuyée sur les genoux du comte étonné. « Quoique je me sois conduite envers vous comme une épouse fidèle, lui dit-elle d'une voix altérée, il peut m'être arrivé, monsieur, de manquer parfois mes devoirs. Je viens de prier Dieu de m'accorder la force de vous demander pardon de mes fautes. J'ai pu porter dans les soins d'une amitié placée hors de la famille des attentions plus affectueuses encore que celles que je vous devais. Peut-être vous ai-je irrité contre moi par la comparaison que vous pouviez faire de ces soins, de ces pensées et de celles que je vous donnais. J'ai eu, dit-elle à voix basse, une amitié vive que personne, pas même celui qui en fut l'objet, n'a connue en entier. Quoique je sois demeurée vertueuse selon les lois humaines, que j'ai été pour vous une épouse irréprochable, souvent des pensées, involontaires ou volontaires, ont traversé mon cœur, et j'ai peur, en ce moment, de les avoir trop accueillies. Mais comme je vous ai tendrement aimée, que je suis restée votre femme soumise, que les nuages, en passant sous le ciel, n'en ont point altéré la pureté, vous me voyez sollicitant votre bénédiction d'un front pur. Je mourrai sans aucune pensée amère si j'entends de votre bouche une douce parole pour votre Blanche, pour la mère de vos enfants, et si vous lui pardonnez toutes ces choses qu'elle ne sait pardonner à elle-même qu'après les assurances du tribunal duquel nous relevons tous. Blanche, Blanche ! S'écria le vieillard en versant soudain des larmes sur la tête de sa femme. « Veux-tu me faire mourir ?» Il l'éleva jusqu'à lui avec une force inusitée, la baisa saintement au front et la gardant ainsi. « N'ai-je pas des pardons à te demander ? » reprit-il. « N'ai-je pas été souvent dur, moi ? Ne grossis-tu pas des scrupules d'enfant ? » « Peut-être, » reprit-elle. « Mais mon ami, soyez indulgent aux faiblesses des mourants. Tranquillisez-moi. Quand vous arriverez à cette heure, vous penserez que je vous ai quitté et vous bénissant. Me permettez-vous de laisser à notre ami que voici ce gage d'un sentiment profond ? » dit-elle en montrant une lettre qui était sur la cheminée. « Il est maintenant mon fils d'adoption. Voilà tout. Le cœur, cher comte, a ses testaments. Mes derniers vœux imposent à ce cher Félix des œuvres sacrées à accomplir. Je ne crois pas avoir trop présumé de lui, faites que je n'ai pas trop présumé de vous, en me permettant de lui léguer quelques pensées. Je suis toujours femme, dit-elle en penchant la tête avec une suave mélancolie. Après mon pardon, je vous demande une grâce. Lisez. « Mais seulement après ma mort, » me dit-elle en me tendant le mystérieux écrit. Le comte vit pâlir sa femme. Il la prit et la porta lui-même sur le lit où nous l'entourâmes. « Félix, » me dit-elle, « je puis avoir des torts envers vous. Souvent j'ai pu vous causer quelques douleurs en vous laissant espérer des joies devant lesquelles j'ai reculé. Mais n'est-ce pas au courage de l'épouse et de la mère que je dois de mourir réconciliée avec tous. Vous me pardonnerez donc aussi, vous qui m'avez accusée si souvent et dont l'injustice me faisait plaisir. » L'abbé Birotteau mit un doigt sur ses lèvres. À ce geste, la mourante pencha la tête. Une faiblesse survint. Elle agita les mains pour dire de faire entrer le clergé, ses enfants et ses domestiques. Puis elle me montra par un geste impérieux le comte anéanti et ses enfants qui survinrent. La vue de ce père, de qui seul nous connaissions la secrète démence, devenu le tuteur de ces êtres si délicats, lui inspira de muettes supplications qui tombèrent dans mon âme comme un feu sacré. Avant de recevoir l'extrême onction, Elle demanda pardon à ces gens de les avoir quelquefois brusqués. Elle implora leurs prières et les recommanda tous individuellement au comte. Elle avoua noblement avoir proféré, durant ce dernier mois, des plaintes peu chrétiennes qui avaient pu scandaliser ces gens. Elle avait repoussé ses enfants, elle avait conçu des sentiments peu convenables, mais elle rejeta ce défaut de soumission aux volontés de Dieu sur ses intolérables douleurs. Enfin, elle remercia publiquement, avec une touchante effusion de cœur, l'abbé Birotteau de lui avoir montré le néant des choses humaines. Quand elle eut cessé de parler, les prières commencèrent, puis le curé de Saché lui donna le viatique. Quelques moments après, sa respiration s'embarrassa. Un nuage se répandit sur ses yeux, qui bientôt se rouvrirent. Elle me lança un dernier regard et mourut aux yeux de tous, en entendant peut-être le concert de nos sanglots. Par un hasard assez naturel à la campagne, nous entendîmes alors le chant alternatif de deux rossignols qui répétèrent plusieurs fois leur note unique, purement filée, comme un tendre appel. Au moment où son dernier soupir s'exhala, dernière souffrance d'une vie qui fut une longue souffrance, je sentis en moi-même un coup par lequel toutes mes facultés furent atteintes. Le comte et moi nous restâmes auprès du lit funèbre pendant toute la nuit, avec les deux abbés et le curé, veillant à la lueur des cierges, la morte étendue sur le sommier de son lit, maintenant calme, là où elle avait tant souffert. Ce fut ma première communication avec la mort. Je demeurai pendant toute cette nuit les yeux attachés sur Henriette, fascinée par l'expression pure que donne l'apaisement de toutes les tempêtes, par la blancheur du visage que je douais encore de ses innombrables affections, mais qui ne répondait plus à mon amour. Quelle majesté dans ce silence et dans ce froid! Combien de réflexions n'exprime-t-il pas? Quelle beauté dans ce repos absolu! Quel despotisme dans cette immobilité! Tout le passé s'y trouve encore, et l'avenir y commence. Ah, je l'aimais morte autant que je l'aimais vivante. Au matin, le comte s'alla coucher. Les trois prêtres, fatigués, s'endormirent à cette heure pesante, si connue de ceux qui veillent. Je pus alors, sans témoin, la baiser au front, avec tout l'amour qu'elle ne m'avait jamais permis d'exprimer.